الحمد لله، الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه، وسلم تسليما كثيرا. Sachez qu'Allah tabaraka wa ta'ala a créé dans ce monde trois demeures. La première est cette demeure dans laquelle nous nous trouvons actuellement, une demeure où nous devons accomplir des actes et où nous devons nous concurrencer dans le bien et les bonnes actions. Allah tabaraka wa ta'ala dit: et prenez vos provisions, c'est-à-dire les bonnes actions, et vraiment la meilleure des provisions est la piété. Et celui qui a gagné ici-bas et celui qui aura profité de toute sa vie pour accomplir des choses qui vont satisfaire Allah tabaraka wa ta'ala le jour où il le rencontrera. Et la deuxième des demeures est la demeure de l'au-delà, et ce sera la demeure où nous serons récompensés, la demeure où l'on verra les fruits qu'on a récoltés dans cette vie d'ici-bas, dans cette dunya. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit: afin qu'il rétribue ceux qui font le mal selon ce qu'ils faisaient, et afin qu'il récompense ceux qui ont fait le bien par la meilleure des récompenses. Et la troisième des demeures est une demeure intermédiaire entre la vie d'ici-bas et l'au-delà. Cette troisième demeure est la tombe. C'est l'endroit où nous resterons à la fin de cette vie jusqu'à ce que l'heure se lève, avec la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala, pour que nous puissions rendre les comptes. Allah tabaraka wa ta'ala a dit: le jour où la terre se fendra, les rejetant de leur tombe précipitamment. Et sachez que la tombe sera pour nous soit un jardin du paradis, soit une fosse parmi les fosses de l'enfer, wal'iyadu billah. La tombe est le résultat avant l'heure de nos actions. Si nous étions bienfaisants, notre tombe sera large et reposante. Mais si nous étions mauvais et malfaisants, la tombe sera étroite et abominable. Et sachez que le châtiment ou les délices de la tombe sont véridiques, et ceci selon les textes du Coran et de la Sunna de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, et le feu, il nous dit en parlant du peuple de Pharaon, il nous dit en parlant du peuple de Pharaon, et le feu auquel ils seront exposés matin et soir, et le jour où l'heure arrivera, il sera dit: faites entrer les gens de Pharaon dans le plus dur des châtiments. Et ce verset prouve qu'avant l'heure, qu'avant que l'heure ne se lève pour les comptes, il y aura des gens qui seront exposés au feu matin et soir, et ceci dans leur tombe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne de demander protection à Allah tabaraka wa ta'ala contre le châtiment de la tombe dans notre prière. Et il dit: si l'un d'entre vous prie, qu'il demande protection à Allah tabaraka wa ta'ala contre quatre choses. Qu'il demande protection contre le châtiment de l'enfer, et qu'il demande protection contre le châtiment de la tombe, et qu'il demande protection contre la discorde de cette vie d'ici-bas et ses épreuves, et contre les affres de la mort, et qu'il demande également protection contre le Messie Dajjal, l'Antéchrist, rawahu muslim. Et une femme juive entra chez Aïcha radiallahu anha, la mère des croyants, et lui a dit: je demande qu'Allah tabaraka wa ta'ala te protège contre le châtiment de la tombe. Alors Aïcha radiallahu anha alla voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le questionna. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit et lui a dit: le châtiment de la tombe est véritable, le châtiment de la tombe est vrai. Et il dit aussi sallallahu alayhi wa sallam: il m'a été révélé que vous serez éprouvés dans vos tombes, pareil ou presque à l'épreuve de Dajjal. Il n'y a donc aucun doute quant à la véracité du châtiment de la tombe. Certains seront beaucoup éprouvés, d'autres un peu, et d'autres pas du tout, et tout cela selon nos œuvres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam passa un jour devant deux tombes, et il dit: ils sont en train de se faire châtier à cause d'un péché qui ne paraissait pas grand. L'un d'eux ne se préservait pas de son urine, et l'autre faisait de la calomnie. Il prit alors une branche sallallahu alayhi wa sallam de palmier humide, qu'il cassa en deux, et posa un morceau sur sa tombe. Il dit peut-être qu'on leur allégera le supplice tant que ces morceaux ne seront pas secs. Et le fait de faire cet acte, poser des morceaux de bois ou de palmiers sur les tombes, ceci est spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et personne ne doit le refaire, car c'est comme s'il prétendait savoir ce qui se passait dans les tombes, alors que ceci est impossible. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui faisait une révélation. Allah tabaraka wa ta'ala lui révélait qu'est-ce qui se passait dans telle ou telle tombe. Et sachez que le châtiment de la tombe est vrai. Et si le musulman se rappelle de cela, ça le poussera à accomplir de bonnes œuvres et à y être assidu afin de se sauver du châtiment de l'enfer et du châtiment de la tombe. Uthman radiallahu anhu a dit, Uthman radiallahu anhu a conduit un jour une genèse au cimetière. Il s'arrêta sur la tombe de cette personne et il s'est mis à pleurer radiallahu anhu. On lui demanda, qu'est-ce qui te fait pleurer, ô commandeur des croyants? Il dit, la tombe et la demeure qui mène à l'au-delà. Si la personne s'en sort, le reste sera plus facile. Il convient à chaque musulman de se souvenir qu'il va passer par ce moment-là, qu'il se souvienne et prenne conscience de l'instant où il sera séparé de sa maison, où il sera séparé de ses enfants, où il sera séparé de ses biens et de ses épouses, qu'il se souvienne qu'il quittera cette vie d'ici-bas pour cette tombe sombre et humide qui fait juste sa longueur et sa largeur, et qu'il se souvienne qu'il y restera un long moment jusqu'à ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui donne l'ordre d'en sortir. Que chaque musulman se prépare pour cet instant, qu'il fasse ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui ordonne et qu'il délaisse ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala interdit. Que chaque musulman se rapproche de son Seigneur en faisant des bonnes actions. Peut-être serons-nous sauvés des contraintes et des châtiments de cette tombe, al-iyadu billah. Et sachez aussi que dans la tombe, il y a une épreuve énorme, une grande épreuve. La personne sera questionnée sur son Créateur et sur sa religion et sur son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le croyant véridique qui aura appris sa religion avec la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala répondra correctement. Et Allah azza wa jal dit, et Allah raffermit les croyants avec une parole ferme ici-bas et dans l'au-delà. Et l'imam Ahmed rahimahullah rapporte d'après Al-Bara ibn Azib, il dit qu'ils sortirent pour accomplir une prière mortuaire, une janaza, sur un habitant de Médine qui venait de décéder. Il dit, nous nous arrêtâmes sur sa tombe au moment où il y était enterré. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'assit et nous nous asseyâmes autour de lui. Nous avions tous la tête baissée et il avait un bâton dans la main avec lequel il grattait le sol. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam releva la tête et il dit, demandez à Allah tabaraka wa ta'ala de vous protéger contre le châtiment de la tombe. Et il répéta cela trois fois. Il dit ensuite, le croyant au moment de mourir, viendront à lui des anges au visage blanc comme le soleil, et ils auront avec eux un linceul du paradis et des encens du paradis. Ils s'asseyront devant lui. Ensuite viendra l'ange de la mort qui s'assera près de sa tête et il dira, sors ô bonne âme et viens à la miséricorde et à l'agrément de ton Seigneur. Alors l'âme sortira aussi facilement que sortent des gouttes d'eau d'une bouteille. Quand elle sortira, il la mettra dans sa main et aussitôt les autres anges la prendront et la mettront dans le linceul et dans les encens du paradis. L'âme en sortira en sentant aussi bon que la meilleure des odeurs que tu puisses trouver sur terre. Et les anges monteront avec cette âme, et ils ne passeront pas devant un groupe d'anges sans qu'ils leur demandent, mais qui est cette âme? Les autres répondront, c'est l'âme d'un tel, fils d'un tel, et ils le nommeront avec les plus beaux noms avec lesquels il se faisait appeler ici-bas. Ils demanderont qu'on lui ouvre les portes du ciel, et on lui ouvrira. Ils le conduiront à chaque ciel jusqu'au septième. Et Allah tabaraka wa ta'ala dira alors, mettez le livre de mon Seigneur dans Iliyin et remettez-le en terre. C'est de là que je les ai créés et c'est là que je les remettrai. Et c'est de là que je les sortirai une fois de plus. Son âme sera remise dans son corps et deux anges viendront et se mettront à côté de lui et lui diront, qui est ton Créateur? Alors l'âme dira, mon Créateur est Allah tabaraka wa ta'ala. Les anges lui diront alors, quelle est ta religion? Il dira, ma religion est l'islam. et lui diront: quelle est la science que tu as sur cet homme? Il dira: c'est le messager d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et lui diront: comment sont tes œuvres? Il dira: j'ai lu le livre et j'y ai cru. Alors quelqu'un criera du ciel et dira: mon serviteur est véridique, déployez-lui du paradis et habillez-le du paradis et ouvrez-lui une porte sur le paradis. Il sentira alors son odeur et son apaisement et son repos, et sa tombe sera élargie à perte de vue. Un homme avec un beau visage et des beaux habits et une bonne odeur viendra à lui et le voir, et il lui dira: sois satisfait de ce qui te rend heureux. Ceci est le jour que tu espérais. Alors l'âme du croyant dira: qui es-tu? Ton visage est celui qui annonce une bonne nouvelle. Il dira: je suis tes bonnes œuvres. Alors l'âme dira au Seigneur: fais venir l'heure. Ô Seigneur, fais venir l'heure. Et quant au mécréant, ou dans une autre version, le pervers, au moment de mourir, viendront à lui des anges au visage noir, ou'iyadu billah, avec eux une sorte de serpillère. Ils s'asseyront devant lui. Ensuite viendra l'ange de la mort qui s'assera près de sa tête. Et il dira: sors, ô mauvaise âme, sors vers la colère et le châtiment d'Allah tabaraka wa ta'ala. Alors son âme ne pourra pas sortir et explosera littéralement dans son corps. Alors l'ange de la mort l'arrachera comme on arrache un peigne de la laine mouillée. Quand elle sortira, il la mettra dans sa main, et aussitôt les anges la prendront et la mettront dans la serpillière. L'âme en sortira avec l'odeur la plus putride que l'on puisse sentir sur cette terre. Ils monteront avec, mais on ne lui ouvrira pas les portes du ciel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors lit le verset suivant: et les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes et ils n'entreront pas au paradis. Quelqu'un criera et dira: mettez le livre de ma créature dans cette djinn, plus bas que terre, remettez-le en terre, c'est de là que je les ai créés, c'est là que je les remettrai et c'est de là que je les sortirai une fois de plus. Son âme sera alors jetée d'un coup. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lit le verset suivant, où est-ce qu'il dit: et quiconque associe Allah, c'est comme s'il tombait du haut du ciel. Deux anges viendront et se mettront à côté de lui et lui diront: qui est ton créateur? Il dira: je ne sais pas. Ils lui diront alors: quelle est ta religion? Il dira: je ne sais pas. Ils lui diront: quelle science as-tu de cet homme? Il dira: je ne sais pas. Un crieur dira: ma créature a menti, déployez-lui de l'enfer et ouvrez-lui une porte de l'enfer, et il y goûtera de sa chaleur et de son atrocité, et sa tombe sera rétrécie à tel point que ses côtes rentreront les unes dans les autres. Sachez que chacun d'entre nous passera par cette épreuve et y assistera. Le musulman doit craindre Allah tabaraka wa ta'ala et se rappeler ce moment-là, et délaisser tout ce qui pourrait conduire au châtiment de la tombe et tout ce qui pourrait le faire précipiter dans cette tombe horrible et atroce. Et il doit se précipiter dans toutes les bonnes actions qui pourraient lui épargner le châtiment de cette tombe et ses atrocités. Ul'iyadu billah. Hada wa sallu wa sallimu ala khayri al-bariyah wa askal bashariyah Muhammad ibn Abdillah al-Hashim al-Qurashi. فقد أمركم الله تعالى بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فصلوا وسلموا على سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين. اللهم صل على محمد، اللهم صل وسلم وبارك على محمد، اللهم صل وسلم وبارك على محمد. اللهم وارض عن الصحابة أجمعين وعن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان وزمان. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم نور على أهل القبور من المسلمين قبورهم. اللهم نور على أهل القبور من المسلمين قبورهم. اللهم واغفر للأحياء ويسر لهم أمورهم. اللهم فرج هم المهمومين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، وفرج كرب المكروبين من المسلمين، واقض الدين عن المدينين. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وعاف مبتلانا برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في أمرنا، وثبِّت أقدامنا وانصُرنا على القوم الكافرين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.